なもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうJ'arrive plus à m'ambiancer, je cogite et je reste silencieux. J'arrête pas de penser, sous shit, j'ai pas le prétentieux. Sans plus s'étancer, ouais, ouais, les petits ont grandi. Et que t'es plutôt gentil, ouais, ouais, avant de faire le bandit. J'ai envie d'acheter un monstre éveillé de Jekar. Des fois ils sont faux, je regarde et je m'écarte. Des fois je fais des gars, allez, parlez, parlez. Des fois j'ai mal, mal. Des fois j'ai mal, mal. J'ai mal, mal. Parlez, parlez. J'coule un canon d'amener. Des fois j'ai mal, mal. Des fois j'ai mal, mal. Ouais, j'ai mal, mal. Aïe, aïe. Elle m'appelle, elle m'est pas, mais on s'en va. En vrai j'ai mal. En vrai j'ai mal. Je reste à ta place. N'oublie pas qui t'a fait. J'ai des photos qui attachent. Des photos qui vont taffer. Arrête de faire l'animal. Tu chauffes devant des folles. Et quand j'étais mal, tu répondais plus au vol. Photos c'est la base. Des fois j'ai mal au crâne, envie de me remettre au camas. Pour la famille faut pas ma as. Moins t'as d'amis, plus tu ramasses. Moi tout c'est la base. Des fois j'ai mal au crâne, envie de me remettre au camas. Pour la famille, faut faire ma as. Moins t'as d'amis, plus tu ramasses. Aïe, aïe, aïe. Elle m'appelle,